Chapitre 6. Les colonies à sucre et indigo ne peuvent-elles être cultivées que par des nègres esclaves? Il n'est pas prouvé que les îles de l'Amérique ne puissent être cultivées par des blancs. À la vérité, les excès de négresse et de liqueurs fortes peuvent rendre les blancs incapables de tout travail. Leur avarice qui les excite à se livrer avec excès à des travaux qu'on leur paye très cher peut aussi les faire périr. Mais si les îles, au lieu d'être partagées par grandes portions, étaient divisées en petites propriétés, si seulement les terres qui ont échappé à l'avidité des premiers colons étaient divisées par les gouvernements ou par leurs cessionnaires entre des familles de cultivateurs, il est au moins très vraisemblable qu'il se formerait bientôt dans ces pays une race d'hommes vraiment capables de travail. Ainsi, le raisonnement des politiques qui croient les nègres esclaves nécessaires se réduit à dire « Les blancs sont avares, ivrognes et crapuleux, donc les noirs doivent être esclaves. » Mais, supposons que les nègres soient nécessaires, il ne s'ensuivrait pas qu'il fût nécessaire d'employer des nègres esclaves. Aussi, on établit sur deux autres raisons cette prétendue nécessité. La première se tire de la paresse des nègres qui, ayant peu de besoins et vivant de peu, ne travailleraient que pour gagner les trois nécessaires. C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'avarice des blancs étant beaucoup plus grande que celle des nègres, il faut rouer de coups ceux-ci pour satisfaire les vices des autres. Cette raison d'ailleurs est fausse. Les hommes, après avoir travaillé pour la subsistance, travaillent pour l'aisance lorsqu'ils peuvent y prétendre. Il n'y a de peuple vraiment paresseux que les nations cultivées, que ceux qui sont gouvernés de manière qu'il n'y aurait rien à gagner pour eux en travaillant davantage. Ce n'est ni au climat, ni au terrain, ni à la constitution physique, ni à l'esprit national qu'il faut attribuer la paresse de certains peuples. C'est aux mauvaises lois qui les gouvernent. Il serait aisé d'établir cette vérité par des exemples en parcourant tous les peuples, depuis l'Angleterre jusqu'aux Mongols, depuis la principauté de Neuchâtel jusqu'à la Chine. Seulement, plus le sol est bon, plus la nation a de facilités naturelles pour le commerce, plus il faut aussi que les lois soient mauvaises pour rendre le peuple paresseux. Il faudrait, par exemple, pour détruire l'industrie des Normands et des Hollandais, de bien plus mauvaises lois que pour détruire celles des Neuchâtelois et des Savoyards. La deuxième raison en faveur de l'esclavage des nègres se tire de la nature des cultures établies dans les îles. Ces cultures, dit-on, exigent de grands ateliers et le concours d'un grand nombre d'hommes rassemblés. D'ailleurs, leur produit étant sujet à s'altérer en peu de temps, si la culture était laissée à des hommes libres, la récolte dépendrait du caprice des ouvriers. Cette seconde raison ne peut séduire aucun homme capable de réflexion, ni même quiconque n'a point passé sa vie entière dans l'enceinte d'une ville. D'abord, on aurait prouvé la même chose de la culture du blé, de celle du vin, dans le temps que l'Europe était cultivée par des esclaves. Et il est aussi ridicule de soutenir qu'en Amérique, on ne peut avoir de sucre ou d'indigo que dans de grands établissements formés avec des esclaves, qu'on l'aurait été, il y a 18 siècles, de prétendre que l'Italie cesserait de produire du blé, du vin ou de l'huile si l'esclavage y était aboli. Il n'est pas plus nécessaire que le moulin à sucre appartienne aux propriétaires du terrain, qu'il ne l'est que le pressoir appartienne aux propriétaires de la vigne ou le four aux propriétaires du champ de blé. Au contraire, en général, dans toute espèce de culture, comme dans toute espèce d'art, plus le travail se divise, plus les produits augmentent et se perfectionnent. Ainsi, bien loin qu'il soit utile que le sucre se prépare sous la direction de ceux qui ont planté la canne, il serait plus utile que la canne fût achetée du propriétaire par des hommes dont le métier serait de fabriquer le sucre. Il faut observer que rien, dans la culture de la canne à sucre ou de l'espèce de fenouil qui produit l'indigo, ne s'oppose à ce que les champs de canne ou d'indigo ne soient partagés en petites parties et divisés, soit pour la propriété, soit pour l'exploitation. C'est ainsi que la canne à sucre est cultivée en Asie de temps immémorial. Chaque propriétaire d'un petit champ porte au marché le sucre de la canne qu'il a exprimé chez lui et qu'il a converti en mélasse. Et il vaudrait bien mieux encore qu'il vendît la canne ou sur pied ou coupée à un manufacturier. C'est aussi ce qui arriverait en Asie si le gouvernement n'y étouffait pas l'industrie et dans les îles si la culture y était libre. Ce que nous venons de dire du sucre s'applique à l'indigo et plus aisément encore au café ou aux épiceries. Il est donc d'abord très vraisemblable que les nègres ne sont pas les seuls hommes qui puissent remuer la terre en Amérique, et il est certain que la culture par les nègres libres ne nuirait ni à la quantité ni à la qualité des denrées, et, au contraire, contribuerait à augmenter l'une en perfectionnant l'autre. Le préjugé contraire a été accrédité par les colons, et peut-être de bonne foi. La raison en est simple. Ils n'ont pas distingué le produit réel du produit net. En effet, faites cultiver par des esclaves, le produit net sera plus grand parce qu'il ne vous en coûtera, en frais de culture, que le moins qu'il est possible. Vous ne donnerez à vos esclaves que la nourriture nécessaire, vous choisirez la plus commune et la moins chère, ils n'auront qu'une hutte pour maison, à peine leur donnerez-vous un habillement grossier. Le journalier le plus pressé d'ouvrage exigerait un salaire plus fort. D'ailleurs, un journalier veut tantôt gagner plus pour former quelque capital, tantôt il veut se réserver du temps pour se divertir. S'il emploie toutes ses forces, il faut que votre argent le dédommage de ce qu'il n'a pas succombé à la paresse. Avec les esclaves, vous employez les coups de bâton, ce qui est moins cher. Dans la culture libre, c'est la concurrence réciproque des propriétaires et des ouvriers qui fixe le prix. Dans la culture esclave, le prix dépend absolument de l'avidité du propriétaire. Mais aussi, dans la culture esclave, le produit brut est plus faible. Et, au contraire, le produit brut sera plus considérable dans la culture libre. Ce n'est donc pas l'intérêt d'augmentation de culture qui fait prendre la défense de l'esclavage des nègres, c'est l'intérêt d'augmentation de revenus pour les colons. Ce n'est pas l'intérêt patriotique plus ou moins fondé, c'est tout simplement l'avarice et la barbarie des propriétaires. La destruction de l'esclavage ne ruinerait ni les colonies ni le commerce. Elle rendrait les colonies plus florissantes, elle augmenterait le commerce. Elle ne ferait d'autre mal que d'empêcher quelques hommes barbares de s'engraisser des sueurs et du sang de leurs frères. En un mot, la masse entière des hommes y gagnerait, tandis que quelques particuliers n'y perdraient que l'avantage de pouvoir commettre impunément un crime utile à leurs intérêts. On a prétendu disculper la traite des nègres en supposant que l'importation des nègres est nécessaire pour la culture. C'est encore une erreur. Les femmes nègres sont très fécondes. Les habitations bien gouvernées s'entretiennent, même sous la servitude, sans importation nouvelle. C'est l'incontinence, l'avarice et la cruauté des Européens qui dépeuplent les habitations. Et lorsqu'on prostitue les négresses pour leur voler ensuite ce qu'elles ont gagné, lorsqu'on les oblige, à force de traitements barbares, à se livrer soit à leur maître, soit à ses valets, lorsqu'on fait déchirer devant elles les noirs qu'on les soupçonne de préférer à leurs tyrans, lorsque l'avarice surcharge les nègres de travail et de coups ou leur refuse le nécessaire, lorsqu'ils voient leurs camarades tantôt mis à la question, tantôt brûlés dans des fours pour cacher les traces de ces assassinats, alors ils désertent, ils s'empoisonnent, leurs femmes se font avorter, et l'habitation ne peut se soutenir qu'en tirant d'Afrique de nouvelles victimes. Il est si peu vrai que la population des nègres ne puisse se soutenir par elle-même qu'on voit la race des nègres marrons se soutenir dans les forêts, au milieu des rochers, quoique leurs maîtres s'amusent à les chasser comme des bêtes fauves, et qu'on se vante d'avoir assassiné un nègre marron, comme en Europe, on tire vanité d'avoir tué par derrière un daim ou un chevreuil. Si les nègres étaient libres, ils fourniraient une nation florissante. Ils sont, dit-on, paresseux, stupides et corrompus, mais tel est le sort de tous les esclaves. Quand Jupiter réduit un homme à la servitude, dit Homère, il lui ôte la moitié de la cervelle. Les nègres sont naturellement un peuple doux, industrieux, sensible. Leurs passions sont vives. Si on raconte d'eux des crimes atroces, on peut aussi en citer des traits héroïques. Mais qu'on interroge tous les tyrans, ils apporteront toujours pour excuse de leurs crimes les vices de ceux qu'ils oppriment, quoique ces vices sont partout leur propre ouvrage.